Salut, ceci c'est l'émission de mobilisation pour la campagne Côte en solidarité qui démarrera avec un appel à l'action commune le samedi 20 juin et qui continuera l'été 2020. La campagne originale avec le voilier Lovis, prévu de naviguer début juin jusqu'à mi-juillet depuis l'Allemagne vers la France, est tombée dans l'eau suite à la fermeture des frontières pendant la pandémie Covid. Mais la campagne Côte en solidarité continuera sans le voilier. Dans cette émission, vous allez entendre l'appel pour participer à l'action commune proposée de la campagne Côte en solidarité le 20 juin 2020, la journée mondiale des réfugiés, qui déroulera dans les villes portuaires au long de la Manche de la mer du Nord des quatre pays. Allemagne, Pays-Bas, Belgique, France et dépendant de vous toutes et tous, aussi dans d'autres lieux partout dans le monde. L'appel de cette action est aussi à retrouver dans plusieurs langues sur le blog coastinsolidarity.noblogs.org et il y aura un lien sur ce blog qui vous transférera au blog déjà existant de calaismigrantsolidarity.wordpress.com avec une page spéciale pour cette campagne Coast in Solidarity en anglais et en français, à laquelle vous retrouverez le matériel pour l'action commune proposée pour faire un lien entre toutes les actions qui déroulera le même jour. Ensuite, dans cette émission, il y a une description de la situation des migrantes et migrantes pendant la période de pandémie Covid dans la région des routes migratoires maritimes avec des témoignages des migrantes et migrantes et militantes présents dans ces lieux. Personne n'est illégal, jamais. Ouvrez vos frontières, ouvrez vos yeux. Appel à l'action le 20 juin 2020, journée mondiale des réfugiés, participez localement. Le corona nous empêche de nous rencontrer, alors nous allons nous disperser à la place. Rejoignez l'action de solidarité transnationale où que vous soyez et montrez que la lutte contre les politiques frontalières racistes se poursuit. 2020 a illustré, mieux que jamais auparavant, que dans le monde d'aujourd'hui, l'égalité des droits pour tous les êtres humains est encore un objectif lointain. La situation des personnes migrantes dans la plupart des régions d'Europe et dans d'autres parties du monde est honteuse. Les camps aux frontières extérieures de l'Europe sont surpeuplés, les camps à l'intérieur des pays européens restent, de nombreuses personnes migrantes sont toujours sans papier et vivent dans la rue. Même à cette époque, les gouvernements ignorent les droits des réfugiés et des migrantes et migrants. Dans l'ensemble, ce sont les groupes de solidarité, les ONG, les courageux citoyens et les migrantes et migrants eux-mêmes qui ont contré la menace de la pandémie. Nous voulons attirer l'attention sur la situation des personnes migrantes, ouvrir les yeux du grand public et exiger une solidarité concrète. Car nous voulons absolument que cette situation cesse. Elle repose sur des lois et des décisions politiques qui peuvent et doivent absolument être modifiées. Nous nous appelons à des actions le 20 juin, journée mondiale des réfugiés. Nous, qui sommes-nous ? Nous sommes des militantes et militants antiracistes de plusieurs pays européens qui ont formé le projet Côte en solidarité. Notre principal objectif était de mettre en lumière et de soutenir la lutte des personnes migrantes à la frontière britannique, fermée le long de la Manche et de la mer du Nord au cours de cet été. Nous voulions organiser des manifestations portuaires, diffuser des idées de solidarité et utiliser le voilier Lovis pour attirer l'attention du public. Pour des raisons évidentes, nous avons annulé ces projets. Comme les conditions de vie des personnes migrantes ne se sont pas améliorées, nous nous sommes mis d'accord sur d'autres moyens d'attirer l'attention et de faire pression sur l'opinion publique. Pour plus d'informations, vous pouvez aller voir le site coastinsolidarity.noblogs.org. Notre proposition d'action. Nous avons proposé une autre action commune. Une flottille de bateaux en papier portant des courts messages comme « Ouvrez vos frontières, ouvrez vos yeux », la fuite n'est pas un crime, etc. Ces messages apparaîtront partout. Tout le monde pourra les plier, petits et grands, colorés ou non, et les distribuer dans les lieux publics, dans les bus, dans les trains, dans les centres commerciaux, dans les parcs. Créez les vôtres et téléchargez le formulaire qui comprend des témoignages écrits de personnes réfugiées qui peuvent être pliés en bateau de papier. De cette façon, lorsque le bateau en papier est déplié, les voix de celles et ceux qui sont le plus souvent réduits au silence deviennent audibles. En outre, des fichiers audio contenant des témoignages enregistrés de personnes migrantes sont disponibles pour téléchargement. Vous pourrez les écouter dans les lieux publics, sur les balcons et les vélos, dans les bus, dans les trains et ailleurs, via des téléphones portables ou des haut-parleurs. N'hésitez pas à choisir d'autres actions et à combiner notre appel avec vos demandes. Envoyez des photos de votre action et de vos revendications via Twitter avec hashtag CoastInSolidarity. Pour le droit de rester et de circuler, arrêtez les expulsions une fois pour toutes. Des conditions de vie et de soins de santé dignes pour toutes et tous, fermez tous les camps, une fois pour toutes, construisez des villes et des réseaux de solidarité, changeons les sociétés depuis leur fondation. Une seule solution, la République. On a Catherine au téléphone ? Oui, enfin, pardon. Salut Catherine. Ça va bien ? Ça va. Alors, du coup, on est contente de t'accueillir dans cette émission de Passeuse d'Infos pour parler de l'action que vous aviez préparée, en fait, du voyage du Lovis, qui est le bateau sur lequel toi tu es skipper, entre autres, qui est un bateau collectif qui voyage depuis un moment. Et donc, c'est bien que tu nous racontes un peu l'histoire de ce bateau, de cette équipe, ce que vous avez déjà fait, puisque vous projetiez avec cette action Côte en solidarité qui, malheureusement, ne se fera pas, si j'ai bien compris. Oui, alors tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Et oui, bon, on a dû changer beaucoup le projet parce qu'on voulait partir là les prochains jours de Hambourg. Alors, pour le week-end de Pentecôte, on avait prévu des activités autour de la migration, des réfugiés, des droits de l'homme à Hambourg avec plusieurs autres groupes. On était en coordination et ça aurait été le départ de toute une campagne pendant l'été, le long de la mer du Nord et de la Manche jusqu'à Brest en Bretagne, où on voulait participer aux fêtes maritimes pour y aussi parler de la situation des migrants avant tout au bord de la Manche. Et oui, ça s'est annulé complètement parce que on peut pas circuler, le bateau il est dans le port, il est encore même pas complètement refait pour faire la saison et on sait pas du tout quand ça peut recirculer parce que... Donc oui, alors Lovis c'est un voilier qui est assez grand et qui peut héberger une trentaine de personnes. Mm-hmm. Bon, avec une trentaine de personnes sur un endroit qui est très restreint actuellement, ça va pas du tout. Donc là, on est en train de développer un concept pour pouvoir peut-être continuer à voyager en été, mais toujours avec des voyages un peu plus longs. Et ça serait beaucoup trop tard pour partir à la Manche, parce qu'il y a tout un planning pour toute l'année. Et donc, on a déjà annulé en tout l'été, alors tout le voyage vers la Bretagne et le retour, ça va pas se faire et le bateau il va rester à la mer Baltique et on sait même pas si vraiment on peut circuler pendant cette année ou pas du tout, c'est pas encore clair. Mais donc l'action que vous avez prévue initialement, elle est annulée, mais vous avez prévu autre chose à la place, non? Oui, c'est ça, parce que on était en coordination avec plein de différents gens, différents groupes le long de la côte. Ça dépend, il y a quelques groupes, quelques lieux qui sont quand même très frustrés parce qu'ils étaient très contents qu'il y ait un bateau qui vient et qui fait une possibilité d'animer les ports d'une autre façon et d'attirer peut-être un autre public, de faire une autre lumière un peu sur le sujet de la migration, des personnes sans papier qui sont coincées. Mais quand même, il y a des gens encore qui restent motivés et donc on a, comme tout le monde, on a fait plein de conférences vidéo et téléphoniques pour nous coordonner parce qu'on a dû annuler aussi toutes nos rencontres de préparation qui étaient prévues et on s'est mis d'accord de faire au moins une chose et c'est l'idée d'utiliser le 20 juin qui est la journée mondiale des réfugiés. Oui. Et c'était le plan de voyager avec un bateau et comme ça on s'est dit on peut pas voyager avec un grand bateau mais on peut faire plein de petits bateaux un peu partout et donc il y a un appel à l'action qu'on a fait et qu'on est en train de traduire en différentes langues et qu'on veut passer sur des listes et sur internet pour inviter des gens de plier plein de bateaux en papier et de les distribuer un peu dans les espaces publics, soit juste avec des petits slogans, mais on est aussi en train de préparer des témoignages de personnes qui sont en migration et qui sont dans les camps ou qui sont coincées au bord de la Manche et de les mettre d'une manière qu'on peut les plier à l'intérieur des bateaux et qu'on laisse les bateaux un peu dans des espaces publics, dans les trains, dans les magasins, juste dans les rues, que quand les gens ils le trouvent, ils peuvent lire, et quand ils les déplient, ils peuvent lire les témoignages, parce qu'on on pense que les voix des personnes sont concernées directement de toute la situation, de toutes ces lois qui sont comme affreux en Europe, ils sont souvent pas écoutés, et comme ça c'est l'idée de les faire lisibles. Ouais, on espère que c'est déjà plein de villes portuaires qui font partie, mais aussi plein d'autres gens peut-être qui se rajoute à ça et que dans l'appel on invite aussi si les gens ne trouvent pas sympa de faire une flottille de bateaux mais ils préfèrent faire autre chose, tant pis, c'est le 20 juin donc peut-être faire ça comme une journée ou dans plein de pays, dans plein de différents lieux, on augmente encore un peu la pression aux politiciens pour prendre autre décision et on augmente aussi un peu des informations et tout pour atteindre encore un public qui est plus grand. D'accord. Et il y a une deuxième partie aussi, c'est pas seulement à message à télécharger, alors en audio comme pour la radio, et d'inviter les gens de télécharger ça et de le mettre sur leur portable et avec des haut-parleurs. Aussi, on peut le faire écouter dans des espaces publics ou bon, soit juste qu'on ouvre la fenêtre et on le fait distribuer un peu à écouter dans les rues. Mais aussi, mais pourquoi pas le mettre fort dans le bus ou dans un train ou dans un parc, que d'autres gens aussi peuvent écouter ces témoignages. D'accord. Et là, on est en train de préparer tout cela et on est en train de créer un site web où on peut télécharger ces différentes choses. C'est une très bonne idée de faire ça, effectivement. Alors, il y a aussi des témoignages que nous, on peut utiliser dans notre émission, je suppose, non ? Oui, c'est l'idée. Il y a même, alors dans les préparations, il y a aussi des gens qui sont actifs à l'Amphone et ils sont en train de préparer aussi toute une émission à la radio pour les radios libres, pour les faire après un peu distribuer. Mmh. Et il y a aussi une personne en Belgique qui est engagée avec les radios et elle a l'idée aussi d'enregistrer l'appel à l'action, ouais, dans les différentes langues aussi, et que ça serait aussi pour distribuer et que les différentes radios pourraient aussi faire juste écouter cet appel avec un fichier qu'on peut télécharger. Tu as écouté l'interview qu'on avait écouté nous tout à l'heure là pour la régularisation de tous les sans-papiers au niveau européen? Je voulais seulement te demander s'il y a un mouvement comme ça en Allemagne, qu'il y a un mouvement de sans-papiers là-bas. Je sais que c'est très difficile d'être sans-papiers en Allemagne, mais... Alors, de tout ce que je sais, non, mais ça ne signifie pas que ça n'existe pas. Mais je n'en ai pas entendu, parce que comme tu dis, en Allemagne, c'est super difficile d'être sans-papiers, et c'est souvent que les gens essaient d'être, plutôt cachés, de rester invisibles, parce que en Allemagne, il n'y avait jamais une campagne de régularisation. C'est différent, ouais, qu'en France ou dans d'autres pays. Donc tu te mets vraiment en danger quand tu te fais visible comme sans-papier. Donc ça, je n'ai pas entendu. Mais ce qui est super grand en Allemagne, c'est la campagne pour fermer tous les camps et pour avant tout évacuer les camps aux Ukraines et le long des frontières en général. Oui, il y a de ces campagnes-là qui étaient lancées comme un pont sur la mer. Oui, c'est ça. Zeebrugge, oui, effectivement. Et ils ont refait toute une journée d'action il y a quelques jours, là, le samedi dernier. Ah ouais. À nouveau, journée d'action avec plein d'activités partout en Allemagne, plein de gens qui ont participé. C'est un mouvement qui est vraiment large. Il y a plus de 100 villes qui sont déjà déclarées prêtes à accueillir des gens. Et par exemple, là où j'habite aussi, on est en train d'essayer de créer un petit lien comme localement à la campagne. Ouais. C'est vraiment un sujet qui fait bouger beaucoup de gens. Mais c'est pas autour des sans-papiers qui sont en Allemagne déjà depuis des années, quelquefois depuis des décennies, et qui ne sont pas régularisés. Mais ce sont des activistes migrants, réfugiés, mais qui ont des statuts, qui sont quelquefois merdiques, mais quand même qui sont là plus ou moins régulièrement, ou peut-être dublinés, mais quand même dans le système et pas complètement invisibles, cachés. Ouais. Mais oui, ça c'est large, et ça existe vraiment dans plein de villes, même des petites villes, et ça bouge beaucoup, beaucoup, de se lier avec eux pour le vin, parce que bon, le vin, c'est, comme j'ai dit, c'est journée mondiale des réfugiés en général, donc c'est vraiment un bon moment pour encore monter la pression un peu dans tous les différents pays aussi, dans plein de différentes luttes autour de la migration. Donc c'est aussi une invitation à tout le monde qui écoute de faire quelque chose dans le lieu où ils ou elles habitent. De faire aussi quelque chose. Ça ne va pas être au bord de la mer. Non, pas forcément. Tout le monde est concerné par cette question-là. Let's go. Yax, yax, yax, baby. City to city of Frankfurt. In Hamburg. Yeah, let's get it. To find a way through the day, but then you blame boss who take me away. These sad rough times, I'ma figure out a way. Like my nigga Pac said, hey, keep your head up, and I feel the same way. Now we're hard in the highway, and I give you to my own way. Before the year clock tell, I must find a way. Wise old man said, wherever there's a wish, there's always a way. Time is running out, time, till I can't even left. Cause changes in my life, I've changed. so forever. And the hope you're not for better. I've been waiting for my dreams to turn into something. And soon as I started living my dreams, these motherfuckers started making me hate life into real world. They destroyed what I've been creating for centuries. Corrupt my soul, my mind fucked up, and I can't focus. What is on my mind in the meantime? Somebody tell me, what do I gain from my trouble and pain? In through the door, fuck the screaming out loud. Hey, hey, shoot a hit or shoot a critic. Fuck it, I'll leave. Flee, ain't no evidence. In this name, rusty thing. Where my struggle lies head, hey, keep your head up and keep your game tight. You might not meet all of y'all tonight, cause it's hard to maintain in this world of a pain. It is also going down in a morning of May, but only if you face the future, we make a clear picture. سلع سلع يسحرين سمر لعام بين غدين ويبقى قبائل إسقر حيا قفت وقنع سن إلى قحوت اللقطو عالم كامل جري كتل قادة اللي قادت كدالية Here comes Little OJ. Wir wachen morgens auf, das Leben nimmt regulär den Lauf. Kaffee kochen, Leben geben und dann raus. Doch an einem von vielen anderen Teilen der Welt sehen sie nur den Lauf der Pistole. Patrouille von Soldaten, die unschuldige Zivilisten jagen seit Wochen und Tagen. Gewehre, die schießen, Bomben, Minen, die wie das Blumenbeet der Hölle sind. Hör nicht auf zu wachsen und zu spießen. Erwachsene und Kinder ihre letzte Träne vergießen. Den letzten Atemzug nehmen, denn Blut muss fließen. Für welches Ziel? Für mehr Macht, mehr Geld. Ich kann es einfach nicht verstehen. Deswegen muss man das Blut von unschuldigen Menschen sehen. Fick diese scheiß System, das vor Augen habende Bild, wie die Mutter ihr Kind tot in den Armen hält und weinen die Soldaten anfleht. Sie soll die Waffen aus der Hand nehmen, das alles lassen sich umdrehen und gehen verloren in Gedanken. Der eine Gedanke heißt fliehen für eine bessere Welt, rein in ein fremdes Land, was mehr Bäume als Waffen hat, weit weg von der Heimat, rein in ein fremdes Land, was eine andere Sprache und Sitten hat. Doch der Kampf, den sie nicht führen wollten, ist längst nicht vorbei. Die Angst bleibt in einem Haus, in einem Zimmer, erzählen sie ihre Geschichte. سلع سلع يسحرين سمر لعام بين غدين ويبقى قبائل إسقر حيا قفت قنع سن إلى قحوت اللقطو عالم كامل جري كتل قادة اللي قادر كدالية Doch alles ist noch längst nicht geschafft, weil in dem Land, in dem sie jetzt leben, der Staat ein Scheiß macht. Wie lange dürfen sie noch bleiben? Müssen sie morgen wieder zurück in das Land, aus dem sie flüchteten? Vor dem Tod und dem Krieg wollten alle frei leben, doch sie müssen kämpfen dafür. Wie viele Leute müssen noch leiden, bis man es endlich kapiert, dass was an der Flüchtlingspolitik mächtig schief geht, mächtig schief geht. Und die, die trotz so einer schweren Geschichte durchhalten mit Hoffnung und Schmerz, rapp ich diesen Text mit Herz, balle meine Faust zusammen, schlage sie gegen die Brust, schreie Frieden auf Fern, setz das Peace-Zeichen hoch in die Luft. Irgendwann, da habt ihr ein Leben ganz ohne Angst und Gewalt, für Flüchtlinge, die das durchmachen und durchleben, für eine bessere Weltpolitik, damit ihr schnallt und checkt. Denn jeder hat ein Recht auf freies Leben auf dieser Welt. Das war Little OJ, Flüchtlingsprojekt 2012. Ich bin raus. On va commencer avec une description de la situation des personnes sans papiers migrantes au long de la Manche, plus particulièrement en Belgique, dans les villes portuaires de la Belgique, dans la partie Flandre. De nombreux migrants sont partis pour Zeebrugge depuis Ostende. Au début, de nombreuses associations ont complètement fermé leurs portes pendant le confinement. Les médecins du monde ont continué à travailler, mais la situation pour les sans-abri est terrible. Ils doivent quitter l'asile de nuit à 7h30 du matin, et ils peuvent que revenir le soir. Donc quand un centre de jour était encore ouvert pendant tout le confinement, seulement à la fin ça recommençait à s'ouvrir. Et donc il n'y avait que 3 toilettes disponibles pendant la journée. Il n'y avait pas de solidarité de la part des résidents d'Ostende pour organiser une distribution de la nourriture pour les précarisés, comme dans d'autres villes plus solidaires en Belgique. Beaucoup de migrants vivent également dans la clandestinité en Ostende, car la police effectue de nombreux contrôles à cheval ou en vélo, et donc ils ne pouvaient pas sortir de chez eux. Et la plupart des migrants qui étaient hébergés à Ostende ont allé à Zeebrugge pour passer la mer du Nord via le port de Zeebrugge dans des camions. Et apparemment, ça s'est bien passé. Il y en a beaucoup qui sont pu faire la traversée. Récemment, donc il y a un article de 8 juin à De Panne, c'est tout près de Dunkerque, mais donc encore dans le côté de la Belgique. La police a loué un système de caméras des collègues des gardes-côtes britanniques pour 4 mois. C'est un caméra infrarouge qui enregistre la chaleur et le système contient également un caméra ordinaire qui prend des images. Les bateaux ne sont pas visibles sur les images radar et donc avec cette caméra thermique, ils peuvent les observer. La caméra leur permet aussi d'observer dans les dunes, dans l'obscurité ou généralement la nuit quand les traversées sont préparées. Selon la police, la côte de l'Ouest a déjà déjoué 100 tentatives de migration vers l'Angleterre par petits bateaux. Autre chose qui était passée pendant la période de confinement, c'était le centre d'asile à Coxyde, aussi au long de la Manche. Centre d'asile pour les demandeurs d'asile a été fermé depuis plusieurs mois sur l'ordre du mairie de Coxyde pendant le confinement. Et à un certain moment, la maire libéraux, il avait affirmé qu'il y avait soi-disant une épidémie de corona dans le centre d'asile. Et donc, il a voulu que tous les résidents soient testés avant de les mettre pliés à l'extérieur du centre, y compris les enfants qui veulent retourner à l'école. La mairie estimait aussi que les habitants n'ont pas la possibilité de vivre à la hauteur de la distanciation sociale et souhaitent donc maintenir un verrouillage. Cela signifie également que les 98 enfants du centre d'asile ne sont pas autorisés à aller à l'école, comme les autres enfants de la ville. Et donc apparemment, la mairie a dit aucun de ces enfants du centre d'asile vont aller à l'école avant d'avoir testé négatif. Suite à ce discours-là de la mairie et ces mesures-là, il y a eu pas mal de réactions de soutien au centre d'asile et contre le racisme. Et après cette manifestation, il y a eu des tests qui ont été effectués. Et apparemment, l'épidémie de corona n'était pas du tout dans le centre d'asile de Coxyde, selon les tests effectués. Ensuite, la mairie a dû lever le verrouillage. Et donc, début juin, les enfants ont pu aller retourner à l'école comme tous les autres enfants de la ville de Coxyde. Et ensuite, les conséquences de l'implication des mesures contre le corona et le confinement en général concernant la situation des sans-papiers en Belgique et à Bruxelles. Plus de 50% des personnes se trouvant dans les centres fermés ont été libérées, mais toutes ont reçu un ordre de quitter le territoire, ce qui n'était pas possible de quitter le territoire en raison de la fermeture des frontières. Cependant, un grand nombre de personnes sont restées emprisonnées dans les centres fermés et ont organisé des révoltes, mais comme toujours, elles ont été durement réprimées. De nombreux témoignages peuvent être consultés sur gettingthevoiceout.org. Et aussi, il y a des reportages qui ont été faits en collaboration avec les InTV, qui a comme titre « Les enfermés ». Toutes les témoignages, aussi les vidéos, vous pouvez trouver sur le blog de la campagne coastinsolidarity.noblogs.org. Les migrants en passage, quand on nomme souvent les transmigrants, ont été expulsés du parc Maximilien au début de confinement et pendant tout le confinement, et plusieurs squats ont été ouverts pour eux par des civils. La distribution de nourriture a pu se poursuivre, mais dans un autre lieu. La situation des sans-papiers en général s'est détériorée en raison de pertes d'emploi, de l'augmentation des contrôles dans les rues et l'accès très limité aux soins de santé et à l'illégalité de traitement. Le fait de vivre avec beaucoup de personnes dans un petit espace dans les squats provoque un stress et une panique lorsque quelqu'un tombe malade. Des témoignages peuvent être entendus à l'adresse suivante, donc c'est aussi ZinTV, un vidéo qui s'appelle avec le titre « Sous contrôle » que vous pouvez aussi retrouver sur le blog de coastinsolidarity.noblogs.org. Marocaine qui va parler ici au nom du comité des femmes, elle s'appelle Keltoum Zoëla. Madame, je veux remercier monsieur les membres du conseil national de sécurité. Eh bien, je les sans-papiers avaient été confinés à la même enceinte et de constater voudrais que nos enfants et nous-mêmes constituions toujours les angles morts de la gestion de la pandémie. Cela est inadmissible. Ça ne peut plus durer. Les sans-papiers n'arrivent plus à respirer. Ils veulent aujourd'hui être déconfinés avec leur voix. Nos enfants qui souffrent en silence, déjà défavorisés, ont complètement perdu le contact avec l'école depuis le mois de mars. Dans les situations de vie qui sont les nôtres, les cours à distance sans matériel informatique, sans connexion étaient impossibles. Le confinement a renforcé les inégalités scolaires et provoquera à coup sûr le décrochage de certains de nos enfants. Ici, nous vous disons que la scolarisation des enfants sans papiers devrait être prise en compte comme facteur d'ancrage durable. Certains de vos mesures manifestent davantage l'exclusion des sans-papiers, ainsi celle des Belges pauvres. L'usage obligatoire d'une carte de banque pour achat d'un titre de transport à la STIP est une aberration qui insulte des milliers de personnes. Cela est inadmissible dans un pays qui se dit de droit. Madame Sophie Wilmès et messieurs les membres du Conseil national de sécurité, aussi vrai que vous êtes des parents, nous vous demandons de déconfiner les droits de nos enfants. Aussi vrai que vous luttez contre le Covid-19, il faut donc considérer tout le monde, y compris nous les sans-papiers. La réutilisation est une urgence sanitaire et sociale. Aussi vrai que votre gouvernement veut lutter contre le racisme et contre la montée de l'extrême droite, il faut donc nous régulariser. Sinon, vous n'avez qu'à vous associer à ceux qui l'encadrent. Aussi vrai que vous voulez lutter contre la fraude sociale, il faut nous régulariser. Nous allons travailler en toute dignité. Nous avons soif de participer à la sécurité sociale. Nous voulons participer ensemble aux côtés des Belges à la relance de l'économie. Madame Sophie Wilmès, messieurs les membres du Conseil national de sécurité, il faut revient de tout faire pour nous intégrer dans l'état de droit afin de réduire les inégalités qui ne font que s'accentuer dans ce pays. Il vous revient de décider de la régularisation des sans-papiers afin de couper l'air sous les pieds de l'extrême droite qui se nourrit de la haine et de l'exclusion. Le comité des femmes sans-papiers. Merci beaucoup. Brothers and sisters in Calais, from Eritrea, Sudan, Bahrain, Afghanistan, Europe, all over the world. Marhabik fi Calais, marhabik Africa House. Salam alaikum, alaikum salam. Bila bila caravan, in a Ramadan. Drove to Dover, took a boat to Calais. No border movement, people in my brain. Welcome in the jungles and the squats and the slums. Afghan Pashtun, Hazar Kurdistan. Ethiopia, Eritrea, Nigeria, Sudan. Beautiful people, Babylon calling me legal. Police brutality, it's a reality. It's insanity, where them humanity? Seekers of asylum, beaten, treating violence. Terrorize migrants, harass them who show them kindness. Respect activists, work hard and take risks. Good food and good music, put me in the mood to spit. This like Combat Wombat, Project Wildcat, Boom Track. Revolution rap, you can find me on that. No justice, no peace, it's stop the police. No justice, no peace, it's stop the police. Mahabik, Mikale, Mahabik, the Africa House. Mahabik, Mikale, Mahabik, the Africa House. Across Europe from Greece to Italy, ending up in Calais, cause we want to be free. I see a new life waiting for me. Across the water border is where I want to be. But today in Calais, it's a beautiful day. Should I stay or go away? It's a beautiful day in Nadi Calais. When the police come, I have to run away. Should I stay or go away? Escape from Calais. Should I stay or go away? Escape from Calais. Should I stay or go away? Escape from Calais. Go away, escape from Calais. No justice, no peace, stop the police. No justice, no peace, stop your police. No justice, no peace, stop your police. No justice. justice, no peace. Stop the police. No justice, no peace. Stop the police. No justice, no peace. Stop the police. No justice, no peace. Stop the police. No justice, no peace. Stop the police. Et maintenant, on passe à une interview avec une militante active à Calais depuis plusieurs années qui nous raconte la situation à Calais pendant le confinement et en général. À Calais actuellement, il faut savoir que Calais, ce n'est pas isolé comme ville, au-delà d'être devenu un peu le symbole d'un régime de frontières, mais aussi c'est une des villes qui aujourd'hui constitue la frontière franco-britannique, pas seulement en termes de campements de personnes qui tentent de passer en Grande-Bretagne depuis la France, mais aussi et surtout en termes de répression par la présence de la police aux frontières française, toute comme anglaise, qui s'étend donc le long de la côte, mais aussi bien dans des villes comme Paris et Bruxelles. À Calais, c'est quoi la particularité? Que puisque c'était un peu le symbole dès le départ de cette militarisation de la frontière, c'est aussi là où on voit tester des nouvelles technologies et l'acharnement de pouvoirs publics pour invisibiliser les personnes dites migrantes, qui ont fait que depuis le démantèlement du gâteau, en gros, les personnes sont dans des camps, plus ou moins toujours les mêmes depuis, peut-être 5 ou 6 différents bois ou zone de pré, on va dire, entre les friches industrielles et l'autoroute, le plus souvent. Donc, bien éloigné du centre-ville, des regards, mais aussi de toutes les structures qui vont avec, ce qui fait que les associations non gouvernatives, généralement, apportent des services, dont l'eau, la nourriture, sur les campements même, ce qui crée une espèce de ville parallèle, un monde à part, mais qui n'est pas une ville, puisque les personnes ne sont pas autonomes. Elles sont dépendantes de ces services fournis. Donc, de fait, ils ont perdu une certaine autonomie, pas seulement une visibilité dans la ville qui fait aussi que la personne existe en tant que citoyen. Du coup, c'est pas seulement le fait d'habiter dans des bois, être loin des regards quand il y a des polices, des violences policières qu'il y a encore. Les services aux citoyens ne sont pas pour tous les citoyens. Et pendant le confinement, ce qui s'est passé, en gros, c'est pas grand-chose, puisque les personnes qui étaient dehors sont toujours dehors, et l'été pendant tout le confinement. Il y a eu de proposer un peu plus de places de départ dans des centres qui existaient déjà et qui sont censés aider les décalés, et qui avaient été proposés aux gens qui souhaitaient réfléchir sur un projet d'éventuellement demander l'asile. Pendant le confinement, ils ont fait un point d'honneur à libérer énormément de places dans ce centre ou à ouvrir provisoirement quelques centres en plus pour débloquer plus de places pour les personnes qui auraient souhaité quitter les campements pour ce type d'hébergement, en sachant que les places proposées au bout de, je crois, 3 jours d'opération étaient déjà pleines, qu'il y avait eu peut-être 80 personnes qui étaient parties. Et la population à Calais, toute comme à Grand-Synthe, les deux principaux campements, on va dire, proches d'ici, s'élèvent sur les 1000 personnes, quoi, dans les différents camps. Donc, au total, on est sur 1000 personnes. Et c'est sûr qu'aussi, dans un contexte de crise sanitaire où les trains étaient réduits, tout comme d'autres possibilités de mobilité, du coup, être éloigné des lieux de passage et partir dans un centre, c'était pas envisageable. Et aussi, c'est le printemps. Et je pense que c'est quelque chose de vraiment cyclique où tous les printemps et tous les automnes, il y a beaucoup plus de passages que le reste de l'année. On peut argumenter ça de plein de façons, mais c'est aussi une façon, je pense, de gérer les chiffres de personnes qui sont à Calais, puisque depuis du coup 2017, l'année après le démantèlement du ghetto, le chiffre de personnes n'a jamais dépassé, en tout cas visible sur le territoire ici, n'a jamais dépassé 1000. C'était toujours entre 600, 800, parfois 400, parfois 1000, mais jamais plus. Donc il y a aussi cette espèce de valve de frontière que cette année était très visible parce que les passages en bateau étaient hyper médiatisés, mais qui depuis toujours permet de vider entre guillemets Calais avant l'été et du coup des nouveaux arrivants et l'hiver où du coup les conditions étant plus rudes, il y a, je pense, une envie presque de quand même pas trop avoir de morts sur la conscience. Il y en a quand même, hein. Mais de les rendre peut-être moins évidents et du coup d'avoir pas trop de monde non plus dehors. J'ai lu que je disais peut-être ça a quand même changé ces dernières années. C'était qui disait à cause qu'il y a encore de plus en plus de surveillance sur les camions et les bateaux, que maintenant il y a une autre manière, c'est plutôt via les canaux, que les gens passent à vite dans un petit bateau. Est-ce que ça s'est vraiment beaucoup changé depuis des autres années, qu'il y a beaucoup plus d'autres manières de passer? Non, je dirais que les gens ils cherchent d'autres manières toujours. surtout que la militarisation à Calais, elle n'est pas nouvelle, et que depuis qu'il y a eu des grillages, des barbelés ou des expulsions, il y a eu des petits campements plus loin ou près d'autres parkings quand ce parking était clos. Les passages en bateau, ça a explosé comme un phénomène en automne 2018. Depuis, ça n'a pas diminué. N'empêche, plein de personnes tentent encore et passent encore en camion parce que le passage en bateau reste quelque chose de plus organisé, que ce soit par un réseau de passeurs ou par la personne elle-même. Ça demande déjà beaucoup plus d'argent, souvent, ou de l'organisation, un lieu d'entrée-stockage. Enfin, c'est de loin pas tout pour tout le monde. C'est privilégié par les femmes et les familles parce que ça évite des situations de risque dans les camions même et c'est perçu comme moins dangereux, alors que ça ne l'est pas forcément. Et aussi parce que concrètement, les familles, souvent, si elles sont arrivées ici en famille, c'est rare que ça soit du voyage en mode bric-à-brac, mais c'est souvent des personnes qui peuvent et qui ont déjà dû faire recours à des passeurs pour franchir ces frontières européennes qui les ont menées jusqu'ici. Donc, n'empêche que les passages en camion restent, je pense, un des moyens les plus communs. Mais les passages en bateau sont plus médiatiques parce que c'est visible. C'est un bateau, il y a 30 personnes dedans. Je pense qu'il y a tout aussi bien comme les squats et de fait, les campements sont aussi des lieux occupés. Il n'y a pas une volonté de l'État de le dire, il n'y a pas une volonté de l'État de les nommer comme tels, ni de les expulser officiellement comme s'il y avait du coup une reconnaissance que c'était un lieu occupé. Il y a des opérations de nettoyage, on va dire, de l'harcèlement quotidien. Mais puisqu'on dit qu'il n'y a plus de migrants, puisqu'on dit qu'il n'y a plus de problèmes parce qu'il y a énormément de police, énormément d'argent a été dépensé, il ne faut pas admettre qu'on expulse quelque chose qu'on dit qu'elle n'existe pas. Donc, le migrant qui habite en centre-ville dans une maison occupée n'existe pas. Donc, tant qu'il n'existe pas aux yeux des citoyens et qu'il n'y a pas quelqu'un qui le dénonce, s'il reste, on va dire, caché, tant mieux. Tant mieux, quoi. Voilà. Donc, Il y avait aussi des gens qui avaient un peu des questions sur le Brexit maintenant. Donc, est-ce que ça veut dire quand il y a le Brexit que Frontex va plutôt venir à la Manche? Est-ce que c'est un risque que ça soit autrement organisé encore? Ça, je ne sais pas. Enfin, on sait que le Brexit, ça traîne depuis quelques années et qu'en revanche, dès le lendemain du résultat du référendum, il y avait eu effectivement une espèce de renégociation, on va dire, des accords du Touquet. C'était vraiment la première chose auquel ils avaient pensé suite à ce référendum et les accords du Touquet étaient restés substantiellement inchangés, quoi. Donc je pense qu'on n'est pas prêt de voir un déplacement de la frontière britannique sur le sol britannique. Après, il y aura des conséquences potentielles sur tout ce qui est le règlement Dublin, la réunification familiale, donc aussi bien les déportations que des choses, on va dire, positives du gouvernement roumain. Et ça, il y a très, très peu de visibilité parce que malheureusement, même la presse, quand ils en forment, notamment la vue sur les passages en bateau, ils parlaient de les personnes qui sont parties en bateau ont été déportées. Nous, on était en contact avec des personnes effectivement déportées, mais c'était sous Dublin. C'était pas parce qu'ils étaient passés en bateau. Et je pense que là aussi, ils ont fait un article récemment comme quoi ils demanderaient à nouveau de prendre les empreintes des personnes au port. Or, en France, on ne peut pas contraindre quelqu'un à mettre ses empreintes. C'est un crime de refuser. On peut être attaqué en justice par ça. N'empêche qu'on a le droit de refuser. Et du coup, là, ils ont parlé comme on va prendre les empreintes. Ils les prennent déjà. Mais il y a des gens qui refusent déjà. Et enfin, le tribunal de Boulogne et les tribunaux de Coin étant ce qu'ils sont, ils ne pourront pas être surchargés par une centaine de personnes qui quotidiennement est arrêtée à la frontière et refusent les empreintes. Donc, j'ai l'impression que c'est de la politique. Ce n'est pas parce que c'est annoncé que c'est vrai, mais tant que c'est annoncé et que d'autres gens en parlent, c'est comme si. Enfin, on a fait un grillage, la frontière est plus sûre. La frontière est plus sûre, non, mais c'est comme si. On va bloquer tous les passages en bateau. C'était annoncé déjà en 2018. Est-ce que c'est le cas? Non, mais pendant des mois où on en parlait moins parce qu'il y avait moins de personnes en termes de chiffres, parce que malheureusement, c'est souvent réduit un chiffre, dans ces cas-là, c'était comme si. Et l'autre côté, parce que la campagne, ça parle aussi un côté en solidarité. Comme tu dis, il y a beaucoup de services, il y a plutôt des volontaires qui sont quand même encore à l'aide pour les camps, mais la population même à Calais, ça reste mitigé sur la question. Je dirais que sur plusieurs choses, oui. Enfin, notamment tout ce qui est les réseaux sociaux, les infos, être vigilant à ce qui peut être des groupes fascistes ou ou du racisme de bar, et qui inclut du coup toute discrimination qui n'est pas du racisme de bar, mais d'empêcher la personne parce qu'elle est noire ou qu'elle parle pas français de rentrer dans un supermarché ou de monter dans le bus. En revanche, sur ce qui est les campements, il y a eu, je pense, mais c'est mon avis, vraiment une fracture, parce que ben maintenant les assos dont on parle, c'est des gros assos avec des gros budgets, avec énormément de bénévoles, tournent souvent de façon assez importante. Je pense que dans ce monde-là, je dirais que c'est majoritairement des donneurs privés, qu'il y a des fondations entre deux et peut-être autre chose, mais c'est assez impressionnant. Il y en a plusieurs, et je pense que il y a eu ce moment où le chiffre de personnes qui étaient présentes ici au tout début de ce qui allait devenir la jungle, ben, ça demandait peut-être plus de réponses. En revanche, est-ce que la réponse était demandée à des ONG qui n'existaient pas? Parce que la majeure partie n'existait pas à ce moment, et c'est quand même fin 2015, ce dont on parle, donc c'est hier. Je pense pas. Je pense qu'il y aurait eu peut-être plus besoin de solidarité de la part des citoyens et de rendre accessibles des services qui existaient déjà pour les personnes précaires à les personnes migrantes, ou une réponse étatique différente que mettre tout le monde dans une espèce de zone post-apocalyptique au fin fond d'une zone industrielle à côté d'une usine classée Seveso et aux abords d'une autoroute qu'ils allaient donc pouvoir complètement grillager puisque les personnes migrantes étaient à côté et donc il y avait une forte pression migratoire pas loin. Aujourd'hui, je pense qu'une personne qui est ici et qui peut-être a un travail ou même pas peine à trouver une place dans les associations officielles. Parce que, ben, y a des tâches, c'est un peu comme des machines, mais si, en quelque sorte, il y a du tri, il y a de la distribution, il y a très peu d'espace pour rediscuter la façon dont les choses sont faites, et il y a beaucoup de choses à faire. Donc, c'est formidable si les gens, ils ont envie de passer un week-end, de se dire qu'ils ont fait quelque chose, parce que concrètement, ils vont faire quelque chose. En revanche, quand tu habites à Calais, quand tu vois ce qui se passe, ou des personnes qui ont un peu plus une pensée politique sur les causes. Et je pense que même donner à manger, ça peut être une action politique, mais ça dépend comment c'est fait. Si c'est fait dans une cuisine où des personnes exilées n'ont pas le droit de rentrer pour des questions soi-disant d'hygiène ou sécurité, et ensuite distribuer en ayant d'autres personnes qui encadrent une espèce de ligne longue et sous la pluie au milieu d'un terrain vague, je pense que tout peut être radical, tout peut être de la solidarité, comme tout peut être vidé de son sens. Donc c'est dommage que finalement que le bateau Lovis ne vienne pas faire un peu plus des actions politiques à Calais et qui ramène un autre réflexion là-dessus. Mais je pense qu'on a aussi besoin d'air. Je pense que Calais, c'est vite fait étouffant, qu'il y a beaucoup de choses qui s'y passent et que pour beaucoup de personnes qui sont à Calais, pas des personnes exilées, mais souvent des personnes bénévoles, mais qui étant présentes en grand nombre sur le terrain, influencent forcément l'ambiance. Je pense que c'est le seul endroit. Et recadrer ça dans un contexte de politique européenne ou d'autres villes où il se passe d'autres choses, que ça soit de la part de l'État ou de la réaction du coup des personnes contre l'État et en solidarité avec les personnes qui sont victimes de ces politiques, ben ça manque à Calais. Je trouve que souvent on voit Calais comme le centre du monde, le seul endroit où il se passe des trucs atroces. Enfin, on le voit parce que depuis un an ou deux, il y a des assos qui avant ne s'intéressaient pas trop à ce qui se passait au niveau politique, qui aujourd'hui dénoncent des violences policières. Mais si tu les dénonces pas comme partie d'un système, et le fait qu'une expulsion soit légale pour toi n'est pas aussi violent qu'une expulsion illégale parce que c'est légal, donc ça va. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de bien de cette campagne qui est le fait de lier du coup le fait qu'on n'est pas des points isolés sur une carte, on n'est pas des hasards. Enfin, les personnes qui meurent à la frontière ne meurent pas, sont tuées par des politiques très précises qui ont des buts très précis et accessoirement qui tuent. Donc, je pense que ça, et c'est pas qu'à Calais. Voilà, du coup, je trouve ça très bien. Enfin, c'est dommage du coup que le bateau ne vienne pas.